ta réforme. Alors quand on avance, on a l'impression d'être absolument tout puissant pour une fois, c'est-à-dire de voir fermer les grandes enseignes sur notre passage, c'est... Ah, ça change. Après, faudrait trouver un moyen de faire les gens nous rejoindre, mais bon... On peut pas demander les prolos avec nous, je suis pas sûre que ça marche. Quoique, on peut essayer. Les prolos avec nous. Les prolos avec nous. Bienvenue dans notre agence. Merci de signaler votre arrivée. On est là. On est là. La retraite, c'est une nouvelle vie, et une nouvelle vie, ça se prépare. Et on est devant le Crédit Agricole. Je pense que vous avez raison de faire des manifestations pour la surconsommation, pour, par rapport à Macron, etc. Mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose, malheureusement. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous allez réussir à quelque chose. Mais je vous le souhaite, parce que moi, ma fille, elle en a besoin pour plus tard. Donc voilà. Il y a quelque chose qui t'empêche de rejoindre Ma fille. Ouais. Moi, je ne peux pas. Il y a ma fille. Donc, puis c'est trop dangereux. Hein. Après, la police, elle met des bombes lacrymogènes, tout ça. Moi, ma fille, je ne peux pas l'emmener avec moi pour des choses comme ça. Donc, je ne peux pas manifester. Mais si j'aurais pas ma fille, je l'aurais fait avec plaisir. Hein. J'aurais partagé avec vous. Et puis, c'est amusant en même temps. Vous pouvez vous éclater à faire tout ça. Mais moi, je ne peux pas avec mon enfant. Donc, voilà, j'attends que vous partiez pour pouvoir faire mes courses. Ah mince alors, c'est ballot. Ah bah mince. Chers clients, suite à une manifestation indépendante de notre part, nous sommes contraints de fermer notre hypermarché. Nous ouvrirons le magasin à la fin de la manifestation. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement, la direction. Travailler 7 jours sur 7. Ça, tout à fait. Non, c'est pas représentant, je faisais ce que je voulais. Vous avez quel âge? Dans les 82 ans. Oui, et ben ma belle-mère, elle a 80 ans, elle avait ses deux jours de congé de chaque semaine aussi. Pas du tout. Si, parce que moi, j'avais un métier spécial. 1930, j'étais sur la route. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Non, la semaine entière après, si je voulais. Sécurité sociale. Donc, vous aviez du repos. Donc, vous aviez du repos. Vacances. Arrêtez vos histoires. Toute la vie en l'air. Mais madame, ils ont raison parce que ma fille, elle n'aura pas de retraite plus tard. Oh, la petite, vous y partiez à la retraite de votre fille. Se calme, madame. Oui, vous pouvez aller. Oh, doucement, voilà. Vous allez faire un... Vous allez vous... Non, je vais moi, je ne la fais pas, la manifestation. Mais en colère, après ces gens-là. Mais en colère, c'est... Travail, consomme et ferme ta gueule. Travail, consomme et ferme ta gueule. Travail, consomme et ferme ta gueule. Travail, consomme et ferme ta gueule. Travail, consomme et ferme ta gueule. oui, c'est possible. À très peu de monde, on peut bloquer. C'est possible. Rejoignez-nous. Baiser, ça prend du temps, la retraite à 20 ans. Baiser, ça prend du temps, la retraite à 20 ans. Baiser, ça prend du temps. Faites l'amour, pas les courses, faites l'amour, pas les courses, faites l'amour, pas les courses, faites l'amour, pas les courses. Nous, on est juste, nous on sert de table, on est en dessous, tu vois. Et le jour où nous on va se lever, toutes leurs cartes elles vont tomber. Et c'est là ils vont perdre. Mais ils ont raison de faire ça. Ils ont raison, à un moment donné, ils vont perdre l'État. Mais ça, moi aussi ça me fait chier, tu vois. Moi aussi ça me fait chier, mais je suis d'accord avec eux. Nos enfants, ils méritent qu'on se batte pour eux. En effet, après plusieurs tentatives pour ne pas payer d'impôts, après des affaires de révélation sur les fraudes fiscales, Carrefour a été contraint de fermer ses portes. Plusieurs scandales entachent cette entreprise, autre que le fait d'arnaquer tous nos concitoyens à cause de cette fraude fiscale. Il y a aussi une histoire très grave de licenciement abusif qui ne passe plus.